3. J'ai appris, avec un réel soulagement, que Ben Lovson ne comptait pas traverser la zone désertique d'Anza-Borrego. « On la contournera par le sud », a-t-il expliqué. « On passera par Aile Centrale, Impériale et Bralais, de manière à se rapprocher du lac artificiel par le bas. Cela nous oblige à faire un détour, mais ce sera moins dur pour vous. À cette époque de l'année, il fait plus de 50 à l'ombre dans le désert. Oh, vous êtes trop bon de prendre soin de la faible femme que je suis, » ai-je failli ricaner. Mais il enchaînait déjà. C'est un peu dommage, parce qu'Anza-Borrego est rempli de Slot Canyon et que je ne rate jamais une occasion d'en remonter quelques-uns. Rien de tel pour se fortifier les nerfs. J'ai gardé le silence. Les Slot Canyon, ou passages fondus, passionnent les jeunes mâles en excès de testostérone depuis qu'un film célèbre a raconté l'histoire d'un type qui, coincé dans un éboulement au fond de l'un de ces tunnels rocheux excessivement étroits, en est réduit à se couper la main pour se dégager. Benjamin a continué à broder sur le sujet un moment, mais je n'écoutais plus. J'ai pensé que les 300 kilomètres de route nous séparant de Salton Sea risquaient de virer au calvaire. Je me suis replongé dans le dossier ouvert sur mes genoux. Un livret iconographique recensait les illustrations de couverture des 22 romans en mentionnant les noms de leurs graphistes. J'ai tressailli en découvrant celui d'Anne Katz, ma mère. Avec agacement, je me suis aperçu que mes mains tremblaient. Cette coïncidence me semblait suspecte. Et, fidèle en cela à l'enseignement paternel, je commençais à me demander s'il s'agissait d'un pur hasard. La paranoïa n'est-elle pas l'autre nom que les gens dits civilisés donnent à l'instinct animal? Je n'y voyais pas assez pour examiner les 22 illustrations brossées par ma mère, mais je n'ai eu aucun mal à repérer celle de la femme dont le manteau de fourrure s'entrebâillait sur une parfaite nudité. J'ai avalé ma salive à la vision du cordon rouge s'enfonçant dans la chair de sa gorge. Mais c'est l'ombre de l'assassin debout dans son dos qui m'a flanqué la chair de poule. Elle m'a tout à coup paru familière. La carrure, la silhouette, une certaine manière d'incliner l'épaule droite, le port de tête, cette silhouette énigmatique, c'était celle de mon père. J'avais oublié que le visage de la victime était tourné vers la gauche, se dérobant à la vue du spectateur. Toutefois, si la femme restait anonyme, sa chevelure rappelait étrangement celle de ma mère. Que fallait-il en déduire? Mes oreilles se sont mises à bourdonner sous l'effet d'une subite crise d'angoisse, et l'espace d'une seconde, les images ont vacillé sous mes yeux. Anne Katz avait-elle anticipé son propre assassinat? Avait-elle pressenti que mon père l'étranglerait? Ou bien ce dessin ne faisait-il qu'exprimer une crainte fantasmatique? J'ai collé mon dos contre le cuir de la banquette et empli mes poumons de l'air glacé dispensé par la climatisation. En réalité, lors des événements, la Bundespolizei avait conclu à un décès accidentel. Ma mère, sans doute ivre comme à l'accoutumée, avait perdu conscience une cigarette à la main. La literie avait pris feu, puis les flammes, s'alimentant des vapeurs de solvant qui stagnaient dans l'atelier de peinture, avait transformé le chalet en bûcher. Sa dépouille, carbonisée, réduite de moitié, avait rendu toute autopsie impossible. La version de l'assassinat, elle, était née des rumeurs colportées par les villageois. À l'époque, il était de notoriété publique que mon père était un terroriste en fuite, contre lequel le FBI avait lancé un mandat d'arrêt international. Pour ces braves gens, il semblait tout naturel qu'un tel individu, entre deux attentats, prenne le temps d'assassiner sa femme, comme ça, histoire de ne pas perdre la main. J'avais longtemps refusé d'y croire. Certes, ma mère n'avait rien d'un ange, mais j'imaginais mal Daddy lui réglant son compte. Peut-être m'étais-je trompée. Peut-être avais-je sous-estimé la passion qu'il éprouvait pour cette femme aux mœurs légères. Cette mauvaise surprise ressuscitait des événements dont je n'avais aucune envie de me souvenir. Je détestais l'idée de me retrouver personnellement impliqué dans l'affaire. Que devais-je penser du tour imprévu pris par les événements? Pied de nez du destin ou machination? Exception faite d'une pause café dans un restaurant de routiers, nous avons roulé d'une traite jusqu'à Bradley. Lorsque nous avons contourné le désert parc d'Anza-Borrego, j'ai constaté que les abords en étaient toujours colonisés par des camps de trailers où les caravanes déglinguées avaient des allures de cachalots crevés se décomposant au soleil. C'était le même entassement de marginaux rejetés par la société. Les vétérans des guerres d'Irak et du Koweït campant au coude à coude avec les vénérables survivants du conflit vietnamien. Chanteurs ratés, comédiens oubliés, rednecks à la dérive, petits délinquants en rupture de conditionnel, tous échouaient là, vomis par l'immense tsunami du déclin américain. Beaucoup de retraités également, privés de moyens de survie, par la faillite des fonds de pension auxquels ils avaient cotisé une vie durant. Ils végétaient dans la promiscuité des camps de toile, par 50 degrés à l'ombre, voire davantage au plus fort de l'été. D'une certaine manière, ils constituaient la Freaks Parade que les agences de voyage bannissent de leur catalogue. C'était bien dans la manière de Sawana Warlock de venir s'installer dans un merdier pareil, a grommelé Lofson entre ses dents. Remarquez que ça plaisait au journal. Le côté glauque, tous foutoirs. Je crois, moi, que c'était une petite maligne qui cultivait sa légende. Elle avait pigé qu'un auteur devait se créer un personnage. Et ça lui a réussi. Et puis, très vite, nous avons aperçu le lac. Salton Sea est né d'une catastrophe, d'un barrage qui a cédé sur la rivière Colorado. L'eau a suivi naturellement la pente du terrain jusqu'à remplir une cuvette située au-dessous du niveau de la mer. Un lac artificiel s'est créé, submergeant la ville qui se trouvait là. Une retenue d'eau salée s'est formée. C'était en 1906. Au début, les gens ont plutôt bien réagi. Ce coin paumé a pris des allures de station balnéaire à la mode. Les stars hollywoodiennes des années 50 y venaient en villégiature. On y organisait des régates, des courses de hors-bord, des concours d'élégance. Le mot d'ordre y était « smart, beautiful and cool ». Ensuite, les choses se sont gâtées. Le niveau de l'eau a grimpé de façon inquiétante, engloutissant les bungalows des retraités qui avaient choisi de vivre là, croyant avoir déniché un second Miami. Le lac salé a été contaminé par les pesticides et les engrais des ruissellements. Les poissons ont commencé à s'échouer sur les berges pour crever. Une pestilence épouvantable s'est installée sur la cuvette. Cette puanteur tenace a déclenché un exode massif et la pimpante cité balnéaire où les pin-ups du showbiz se pavanaient en maillot s'est changée en ville fantôme dans la grande tradition de l'Ouest américain. Aujourd'hui encore, rien n'a changé, en dépit des plans de secours et de réaménagement. Salton Sea offre aux visiteurs un paysage post-apocalyptique de ruines éparses, de boutiques abandonnées, de drugstores aux vitrines brisées. Sur le plan d'eau, les épaves des maisons inondées côtoient les bateaux échoués, pourris, qui servent de nichoirs aux vautours. On se croirait dans l'un de ces films à petit budget qui prétendent décrire la fin du monde. Sur les plages boueuses saturées de sel s'entassent les carcasses des poissons que les busards décortiquent. La population se réduit à presque rien, principalement des pauvres gens, incapables de payer un loyer, qui squattent les habitations abandonnées ou s'entassent dans des caravanes d'occasion. C'est un univers désespérant. L'envers du rêve américain. Vous êtes déjà venu, hein? A lancé Lofson en me jetant un bref coup d'œil. Je le devine à votre tête. Vous n'êtes pas surprise. Oui, ai-je admis, il y a quelques années. je vois que ça ne s'est pas arrangé. On va remonter la rive droite jusqu'à Salton Beach, là où se trouvait l'ancien Sporting Club. La maison de Sawana est à cette hauteur. On la voit de loin. Une baraque à tourelles et clochetons, une espèce de manoir anglais. Elle a servi de décor à plusieurs cinéastes. La description était fidèle, j'ai pu le vérifier un quart d'heure plus tard. À cette différence près que le toit avait blanchi sous l'accumulation des fientes de volatiles. Toutes les fenêtres étaient obturées par des vitraux de cathédrale. Une végétation malsaine et anarchique avait envahi le jardin qu'entouraient de hautes grilles de fer forgé. Une caravane king-size de luxe trônait près du portail. Un Winnebago Fifth Wheel, modèle destination de 40 pieds de long, qui avait dû coûter pas loin de 90 000 $. C'est le camping-car du concierge, a expliqué Loveson en se garant devant l'entrée. Un cadeau de Sawana. Le gars s'appelle Gary, c'est un original. Un ancien biker ou quelque chose comme ça. Il ne lâche jamais sa batte de baseball. On le paye pour éloigner les pillards. Je vais vous présenter. Comment procède-t-on ? Je dresse un état des lieux et vous me ramenez à LA le temps que je bâtisse un projet ? Non, on reste sur place, vous et moi. Vous me dites ce dont vous avez besoin et je me débrouille pour vous le procurer. Le temps presse, on ne va pas le gaspiller à faire des allers-retours entre ici et LA ou San Diego. J'ai de bons contacts à Palm Springs, c'est la porte à côté. Je peux leur ordonner d'acheminer n'importe quoi. Matériaux, main-d'œuvre, spécialistes des effets spéciaux. Vous n'avez qu'à demander. Ce sera livré sous 24 heures. J'ai serré les dents. Ce salaud s'était bien gardé de me présenter les choses de cette manière lorsque j'avais posé mes fesses dans sa voiture. À aucun moment je n'avais envisagé de prendre pension un mois durant au château de Dracula. J'ai ouvert la portière avec mauvaise humeur. Une seconde plus tôt, j'aurais tout envoyé promener, mais il était trop tard, désormais, la maison m'avait déjà envoûtée. Je me suis massé les reins pour me donner une contenance, tandis que mon regard courait sur la façade. La peinture, recuite par le soleil du désert, se desquamait en lambeaux pathétiques. Malgré tout, l'architecture conservait une sacrée allure, avec son accumulation de gargouilles et de visages convulsés, dont on ne savait s'ils hurlaient de douleur, suppliaient le visiteur imprudent de rebrousser chemin ou vociféraient des injures. Cette multitude de têtes encadrait les fenêtres, s'accumulaient en grappes hideuses telles des nids de guêpes. Les faces étaient toutes différentes, femmes, enfants, jeunes hommes, vieillards. On les avait sculptées dans un bois dur, que l'excessive chaleur n'avait pas réussi à fendre. Bien que décolorées, elles avaient défié le temps et l'atmosphère putride des lieux. C'est l'œuvre d'un Anglais, a expliqué une voix rauque, quelque part sur ma gauche. Un allumé qui n'a jamais voulu être payé pour son travail et a disparu du jour au lendemain. J'ai vu qu'un grand type était sorti de la caravane du concierge. Il mesurait presque 2 mètres et était taillé en Hercule. En dépit de ses cheveux longs et de sa barbe argentée, il avait davantage l'air d'un chef viking que du Père Noël. Son maillot de corps laissait deviner un corps couvert de tatouages à demi effacés. Ses muscles ramollis par l'âge plissaient comme ceux des anciens culturistes. « Je suis Gary, » a-t-il annoncé. « Gary Foxon, le gardien du royaume. » Le chevalier qui défend l'accès au pont-levis. Ses yeux étonnamment bleus me scrutaient depuis le fouillis de rides qu'était devenu son visage. Il daigna enfin sourire, exhibant 3 incisives d'acier chirurgical sur la mâchoire inférieure et 2 canines du même métal sur celle du haut. Tout en parlant, il jonglait nonchalamment avec une batte Louisville couverte d'éraflures. En dépit de ce cinéma machiste, il n'émanait de lui aucune menace réelle. Loveson étant resté en arrière, j'exposai au gardien les raisons de ma présence. Il a hoché la tête et grogné. C'est bien que quelqu'un s'occupe enfin du château de la princesse. Elle commençait à s'énerver. Depuis un moment, elle me persécute tellement dans mes rêves que j'en viens à redouter de m'endormir. Suivez-moi, on va faire le tour du propriétaire. Benjamin Lofson a décliné l'offre sous prétexte qu'il devait garer la voiture à l'ombre et s'occuper des bagages. L'escalier menant à la véranda craquait affreusement sous nos pas tant le bois en était desséché. Gary a poussé la porte à double battant d'un geste théâtral et nous sommes entrés dans une vaste salle que la lumière des vitraux transformait en kaléidoscope. La juxtaposition des couleurs installait une atmosphère irréelle et j'ai eu l'impression de plonger dans le ventre d'un arc-en-ciel. J'avoue que je m'attendais à trouver le traditionnel bric-à-brac cher aux auteurs de romans d'épouvante, la brocante à laquelle ils se croient obligés pour impressionner le public. Chouettes empaillées, crânes humains, squelettes incomplets, vierges de fer et instruments de torture bidons mêlés Hong Kong. Mais ici, rien de tout cela. Les parois étaient occupées du sol au plafond par les rayonnages d'une bibliothèque immense où s'alignaient les innombrables éditions des romans de Sawana Warlock, dont les œuvres avaient été traduites en 60 langues et réimprimées des centaines de fois jusqu'à ce qu'elles soient passées de mode. « Il fait trop chaud », a grommelé Gary. « C'est mauvais pour le papier, il se dessèche. Certains de ces bouquins tomberaient en poussière si on les feuilletait. Il faudra installer une machine pour établir un taux d'hygrométrie correct. » Comme je tardais à acquiescer, il a insisté. Ce sont des éditions originales introuvables. Ça vaut une fortune pour les collectionneurs. C'est pour ça que les fans qui rôdent dans le coin essaient de les voler. Sur Internet, chaque exemplaire pourrait se négocier 3 000 $. Ce n'est pas une bibliothèque que vous avez sous les yeux, c'est potentiellement un tas de lingots d'or. J'ai détecté un trémolo dans sa voix. Il était aussi ému que s'il parlait de saintes reliques douées du pouvoir de guérison. Sans doute aurais-je dû m'agenouiller et me recueillir au pied de la bibliothèque. Il n'y a aucun signal d'alarme, a-t-il repris, et les serrures ne sont pas compliquées à crocheter. Je dois pratiquement dormir couché en travers du seuil pour dissuader les voleurs. Il y en a beaucoup ? Encore assez. C'est ce foutu club, les fils de la hyène. Ils sont installés au camp des trailers, à 2 km d'ici. Ils passent leur temps à rôder, à prendre des photos. Ils viennent toucher la grille comme si elle avait un pouvoir magique. Si je les laissais faire, ils démontraient la baraque bout par bout pour en faire des talismans. Il a inspiré profondément avant de lâcher d'une voix sourde. Tout est à l'abandon depuis la disparition de Sawana. J'ai écrit 1 000 000 fois aux éditeurs. Mais ils s'en foutaient, les ventes stagnaient. Alors, excusez-moi, mais j'ai lu effectivement qu'on n'avait jamais retrouvé la dépouille de Sawana Warlock. C'est une invention de journaliste ? Non, c'est vrai. Un jour, elle s'est levée, a bu son café, est montée dans sa voiture et a mis le cap sur le désert. C'était la dernière fois que je la voyais. Elle n'est jamais rentrée. Vous pensez qu'elle a eu un accident ? Non, pas du tout. Elle voulait en finir. Elle en avait assez. Après avoir été aussi célèbre, l'anonymat, c'est dur à vivre. C'était une dépressive chronique. Il lui arrivait de disparaître une semaine entière sans qu'on sache où elle était passée. C'était comme ces avions qu'un trou d'air aspire. Tout allait bien et soudain, pof, elle dégringolait en dessous de la couverture radar. Aujourd'hui, on dit que ces gens-là sont bipolaires. À l'époque, on employait le mot cyclothymique. Plus elle grimpait dans l'excitation, plus elle s'effondrait une fois la dernière page écrite. Ce jour-là, elle ne vous a rien dit ? Non, elle m'a juste fait un petit signe de la main, comme d'habitude. Les rangers ont quadrillé Anza Borrego sans trouver trace de la voiture. Mais le désert est immense et les canyons sont de vrais labyrinthes. Il faudrait des années pour les explorer tous. Au bout de 72 heures, les recherches ont été abandonnées à cause d'une tempête de sable. Sawana est probablement toujours là-bas. Sa voiture lui tient lieu de sarcophage. Une dune s'est formée par-dessus. C'était il y a 10 ans. Elle venait de fêter son 56e anniversaire. Il s'est interrompu, un sanglot dans la voix, et a détourné le regard. Gêné, j'ai faim d'examiner la bibliothèque. L'odeur de poussière chaude ne parvenait pas à masquer celle des rongeurs ayant élu domicile sous le plancher. Dès que sa disparition a été connue, a soupiré Gary, les fans ont débarqué ici. Certains s'y sont installés à demeure. Je ne sais pas de quoi ils vivent. Le cul vissé sur des fauteuils de plage, ils observent la maison à la jumelle, comme ces tarés qui guettent les ovnis. Ils inventent des légendes, font courir des rumeurs. Mais leur principale occupation consiste à retrouver la dépouille de Sawana. Ils jouent aux archéologues, ils arpentent le désert, explorent les slot canyons un à un dans l'espoir de localiser la voiture. Deux d'entre eux sont déjà morts de déshydratation. Un autre a été pris sous un éboulement. Bien fait pour leur gueule. J'ai toujours détesté ces types qui exhument les momies pour les exhiber comme des monstres de foire. C'est dégueulasse. Que diraient-ils si on déterrait le cadavre de leur mère pour le mettre dans la vitrine d'un grand magasin? Hein? Il devenait véhément. Je n'aimais pas la façon dont il agitait sa batte. Dans sa jeunesse, il avait dû être dangereux, sujet à des accès de colère incontrôlable. Instinctivement, j'ai jeté un coup d'œil par la porte demeurée béante. Au-delà du lac s'étendait la morne géographie du désert avec sa fournaise frôlant les 60 degrés à l'ombre. Une température diurne qui devenait polaire dès la tombée de la nuit, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'endroit. Un randonneur aguerri y consommait en moyenne 5 à 6 litres d'eau par jour sans parvenir à étancher une soif dévorante. Un GI ayant participé à l'opération Tempête du désert m'avait confié qu'au cours d'un raid, il lui était arrivé de boire jusqu'à 8 litres de flotte en l'espace de 12 heures. Sachant cela, il devenait difficile de croire que Sawana ait pu survivre plus de 48 heures. Les gens du coin affirmaient qu'on ne transpirait jamais à Anza Borrego, et cela parce que la sueur s'évaporait à la seconde même où elle perlait sur votre peau. Ce n'était pas seulement une boutade. L'image de Sawana, enfermée dans sa voiture garée dans la crevasse d'un canyon, s'est imposée à mon esprit. Si elle était morte ainsi, la chaleur sèche avait dû la changer en momie de cuir. Le sable avait fait le reste, lui édifiant un mastaba improvisé. Crever de soif est une sale mort. À sa place, j'aurais au préalable avalé un flacon entier de somnifères. Bon, a décrété Gary qui avait recouvré son sang-froid. On y va? Je dois vous montrer les autres pièces. Sawana voyait dans cet espace une espèce d'usine, une chaîne d'opérations indispensable à la création. Elle avait ses idées là-dessus et s'y cramponnait. Ça déclenchait son processus créatif. C'était pour elle un rituel. Les artistes sont souvent superstitieux. Si la formule magique n'est pas respectée, le miracle ne s'accomplit pas. Il ne m'apprenait rien. J'avais trop souvent accompagné ma mère, qui n'arrivait à peindre qu'à condition d'acheter ses pinceaux dans la même obscure et minable officine de Genève, et ses couleurs dans une autre boutique de Lausanne, et cela à condition d'être servie par les vieillards aigrotants auxquels elle était habituée. Si ce n'était pas le cas, elle faisait une crise d'angoisse et abandonnait son projet, le déclarant « maudit ». J'ai contourné une table ancienne, grignotée par les termites, mais dépourvue du moindre grain de poussière. Je me suis représenté Gary, le géant tatoué, l'ex-biker, un plumeau à la main, faisant scrupuleusement le ménage de ce qui, pour lui, était un lieu de culte. J'ai jugé cela émouvant, cette brute survivant dans la célébration d'une prêtresse disparue. Dès lors, nous avons emprunté le trajet labyrinthique et obscur d'un couloir dont l'étroitesse générait l'oppression. Le papier mural partait en lambeaux, des insectes galopaient dans l'entrebâillement des déchirures. Gary s'est immobilisé devant une porte grise. On y avait peint, à mi-hauteur, un grand 1 blanc. Pour Sawana, a-t-il expliqué, c'est là que tout commençait. La première étape, la plus importante, la création des personnages. L'histoire venait ensuite. Elle devait matériellement façonner ses héros avant de les plonger dans une quelconque aventure. Il a tourné la poignée et s'est effacé pour me laisser franchir le seuil. J'ai cru entrer dans une salle de dissection. Une douzaine de têtes coupées, empalées sur des tiges de fer, me fixaient méchamment. Après une seconde de panique, j'ai compris qu'il s'agissait de modelage en cire d'un réalisme saisissant. Tout autour de moi, alignés sur des étagères, des visages d'hommes, de femmes, d'enfants, dardaient dans ma direction leurs yeux de verre. La pénombre régnant dans la pièce amplifiait l'illusion. Les physionomies les plus disparates se côtoyaient, jeunes, vieilles, belles, laides, monstrueuses. Sawana utilisait des yeux de verre, a énoncé Gary d'un ton satisfait, mais pour les dents et les cheveux, elle se servait de vraies dents et de vrais cheveux qu'elle se procurait auprès des dentistes et des coiffeurs. C'est pourquoi beaucoup de canines et d'incisives sont cariées ou jaunies par le tabac. Je me suis approchée du grand plan de travail avec une certaine répugnance, je ne le cache pas. Le visage de cire d'un quinquagénaire austère me scrutait. Il évoquait ces prêcheurs illuminés qui sévissent dans les campagnes reculées et se prétendent le bras armé du Seigneur. J'ai effleuré sa joue du bout des doigts et poussé un juron. Elle était molle, comme pourrie. Il fait trop chaud pour la cire, a soupiré Gary. Jadis, cette pièce était réfrigérée, mais la climatisation est tombée en panne. J'ai fermé les volets pour éviter que le soleil n'entre, mais ça ne suffit pas. Vous avez sous les yeux presque tous les personnages imaginés par Sawana. Cette armée de têtes, ce sont les protagonistes de ses romans. Elle ne procédait jamais autrement. En tout cas, ai-je murmuré, elle avait du talent. Elle travaillait les chairs à l'écorce d'orange pour imiter les pores de la peau et éviter l'aspect lisse, irréel, des statues de cire habituelles. Il serait temps d'intervenir. Certains visages sont tellement ramollis qu'ils sont tombés des supports. J'ai pris conscience que j'éprouvais de la difficulté à respirer et que je suais. Cette surabondance de têtes coupées, trop réelles, éveillait en moi une pénible angoisse. C'est en pétrissant la chair qu'elle imaginait la vie du personnage qui était en train de naître sous ses doigts, a ajouté Gary, craignant sans doute que je sois trop bornée pour saisir la subtilité de la méthode. « Ok, ai-je soufflé. C'est intéressant. Il y a autre chose ?» C'est alors qu'en me retournant vers lui, j'ai enfin aperçu la tête de femme sur la troisième étagère à gauche de la porte. C'était celle de ma mère.